Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans Terre-Vigine, la BBC va utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer sa programmation. Dans Merci Science, les chirurgies du cœur ont plus de succès en après-midi. Et dans le segment Geek Célix, la réalité augmentée vous rendra peut-être enfin bon en maths. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Et voici celui dont la réalité augmente avec le temps et c'est de plus en plus déprimant. Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 30 octobre 2017. Oui, 30 octobre. Ce qui veut dire qu'on est en direct. Oh là là! Parce que ça fait comme plusieurs semaines que c'est genre des dates du mois de septembre et du début du mois d'octobre. Donc, comme toujours cette semaine, la chronique télévisuelle Télévision, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science et le segment Geek CNX. Tout à l'heure, ce sera la chronique sur les jeux vidéo avec celui que vous venez d'entendre, Frédéric Simon, qui s'en vient. Salut Fred. Salut Mathieu. Ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, absolument. Il se passe tellement de choses dans le monde des jeux vidéo. Et on parle pas seulement de l'achat de ma Switch. Oh non, mais enfin. On va glisser un mot. Pareil. Ah, j'ai très hâte de parler de ça avec toi. Ça s'en vient tantôt. Et toi, de quoi tu nous parles sinon autour de ça? Je vous parle beaucoup encore d'actualité autour du monde du jeu vidéo. Mais je vais aussi parler des sorties Switch. Génial. Donc ça se passe tout à l'heure. Pour commencer par contre, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. La première pièce en début d'émission était par Venom, My Haunted Ass. Et on continue avec Micro D. Voici Erotic Stagger au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Erotic Stagger par Micro D sur son album These Quest. Bandcamp.microdmusic.com. Habituellement, c'est microdmusic.bandcamp.com, mais bon, si vous voulez l'essayer, c'est ce qu'il y a écrit. Toujours Mathieu Planchot maintenant, ben c'est Frédéric Simon que voici avec un autre gamer, un autre. Drôle de façon parce qu'on vient juste de se dire qu'on attendait en fin de la chronique, puis là, soudainement, je te mets ton introduction. Oui. Mais je suis de même. Mon cerveau est de même. Il n'est pas dans l'ordre. Est-ce que t'es prêt quand même? Oui, je suis prêt. Bon, ben allons-y, puis on fera autre chose après. Hein? D'accord. Puis à un moment donné, je vais finir par être capable de mettre de l'ordre dans ce cerveau-là. Je pense qu'il va falloir des pelules pour ça. Donc, Simon, on parle de Nintendo Switch surtout aujourd'hui, mais aussi de d'autres nouvelles de jeux vidéo. Oui, tiens, on va commencer par parler de Super Nintendo, mais pas de la SNES classique. Non. On va passer à un autre sujet. Mais, ben non, veux que tu me parles du fait que tu l'as. Oui, j'en ai. Comment ça? Ben, j'ai réussi à mettre la main sur une console. Est-ce que je t'ai raconté en ondes l'histoire que j'étais à l'heure exacte du lancement sur le site de peu importe la compagnie? J'ai réussi à passer la commande, ça a passé sur ma carte de crédit. Ils m'ont envoyé un courriel 3 heures plus tard pour dire « Ouais, finalement... On n'en a plus. On n'en a plus. » Ils m'ont remboursé, moi. Une chance. Tu as réussi. J'ai réussi, mais si vous voulez toujours en avoir une, je perdez, pas mienne, perdez pas espoir. Il y en arrive presque à tous les jours dans certains magasins. Le problème, c'est qu'on sait pas quand. Et on sait pas quel magasin. Et on sait pas quel magasin, mais dans plusieurs magasins de grande surface. Ben, je dirais la solution, donc, postuler pour une job chez Toys R Us, non? Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Ou si, ça pourrait ne pas marcher. Mais sinon, je sais qu'au Microplay, ils en ont reçu quelques fois. Ah ouais. Walmart, Toys R Us... Allez faire votre tour, soyez fatigants, demandez, avez-vous des SNES classiques? Ben ouais, vous pouvez appeler si vous voulez. Ça j'imagine. Ça se fait aussi, mais si on reçoit beaucoup d'appels, la première personne à se présenter en personne va certainement être... Ben, j'imagine qu'ils vont prioriser la première et la dernière, ceux qui se déplacent. Mais j'ai vu quand même plusieurs posts Facebook de personnes qui faisaient la tournée des magasins qui disaient, ben, il en restait deux à cet endroit-là. Ah oui, bon. Puis, Et au prix normal, parce que si vous la... Si oui. Vous allez la chercher sur Kijiji ou eBay, vous allez voir que les prix sont exorbitants. Ouais, mais c'est quand même moins payé qu'à la sortie de la NES. Oui, c'est 3 et 4 fois le prix. Là, c'est plus 2 fois et demi. La NES classique est toujours super, super chère. Oui. La Super NES classique, est-ce qu'il y en a à vendre à certains endroits? À revendre, je oui. À revendre, ouais. Oui, sur Kijiji, ça se trouve aussi autour de 250-300. Ah, ouais. Bref. C'est ça. C'est tout pour dire que toi, t'en as une, puis à un moment donné, tu vas la vendre. C'est ce que j'ai fait avec ma NES classique. Ah, tu l'as vendu finalement. Je l'ai vendu finalement. Ah. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu jouais pas assez avec? Je jouais pas assez avec. Et tu pouvais faire beaucoup d'argent dessus, j'imagine, non? J'en ai fait un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plate, mais c'est la réalité c'est du même. C'est ça. Exactement. Je comprends ça. Je me suis dépoché pour une Switch. Toi aussi. Moi aussi. Ouais. Bref. Oui, parlons Super Nintendo. Oui! Mais juste pour faire un rappel, mm-hmm. Parce qu'il y a un jeu qui sort... je pensais que j'avais noté la date, mais je l'ai pas. Mais c'est là, en fait, là. Ouais. Dans les jours qui viennent de passer. Ouais. C'est le retour de Bubsy de Bobcat. Arrête donc, la mascotte de dans le temps, le orangé. Oui, le chat qui cherche les pelotes de laine. C'est vrai, oui. Oui. Oui. Hey, c'est loin dans mes souvenirs. Ben, il sort un nouveau jeu sur PC et PS4. Wow. Et ça semble assez bien. Quoi? Oui, contrairement à la version 3D qui était sortie sur PlayStation. Je sais pas si t'as déjà joué à cette version-là. Non. Bubsy 3D Forbidden Planet. Ça, est-ce que c'était un nouveau jeu ou un remake? Ça, c'est... En fait, ça, c'est un jeu qui était sorti il y a... dans les années 90. Okay. Et c'est une abominable chose. C'est épouvantable. Les graphiques sont psychédéliques. On a mal à la tête à force d'entendre les phrases de Bubsy qui dit quelque chose à chaque action que tu prends. C'est vraiment épouvantable. Mais pour le nouveau jeu, le retour de Bubsy, c'est un retour aussi au 2D, format qui s'inspire beaucoup de Sonic, en fait. Mm-hmm. Et ça semble très bien. Bon, donc on va au moins aller voir des petites vidéos de ça, parce que j'imagine que si c'est un jeu neuf sur PlayStation 4, il doit coûter cher. Oui, mais j'imagine que c'est quand même pas une sortie à 90$. Non? Tu penses pas que c'est un jeu de catégorie A? Non, je ne crois pas. Bon, au moins. Enfin, pour les nostalgiques de Bubsy. Ben, est-ce qu'il y a des nostalgiques de Bubsy, vraiment? Ben, on sait pas. Tu sais, je sais pas, ramène Adventure Island, mettons. C'est cool, ça? Ah ben ça, c'est sûr que ça serait cool. Ça serait hot. Est-ce qu'il y en a eu des plus récents de ça? Non. Je pense pas à ma connaissance. Non. Mais beaucoup de jeux dans le même genre, par contre. Ouais, c'est ça. Ben, on s'entend que c'est classique comme formule, là. Oui. Jeu de plateforme, Bubsy, même chose. Voilà. Ouais. Bon. Sinon, avant de tomber dans la Switch, je vais passer une autre nouvelle concernant Star Wars Battlefront 2. Mm-hmm. On sait que le jeu s'en vient, ça va être officiellement lancé le 17 novembre. Et il y a la bêta qui était sortie depuis un certain moment. Beaucoup de problèmes quand... les loot box, les coffres qu'on pouvait obtenir dans le jeu pour avoir des cartes et des armes supplémentaires. Et beaucoup de joueurs de la bêta s'étaient plaints que c'était pour devenir un pay to win. Ouais. Parce que tu mets de l'argent sur tes coffres, t'as toutes les meilleures armes, toutes mm-hmm. les meilleures améliorations, et tu tues tout le monde avec qui tu joues. Ben, EA a décidé de réagir avec ça. Et les armes épiques et tout ça ne seront pas disponibles dans les coffres, mais bien à partir d'un certain niveau. Et tu vas devoir créer toi-même tes cartes en mélangeant les choses. Ouais, ben, c'est compréhensible d'avoir réagi de la sorte. C'est juste plate pour ceux qui sont habitués à ce système. Ouais, mais... Et ils ont déjà fait leur point, là. Ils ont déjà avancé de niveau. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que t'as un level, quelque chose? Je connais pas exactement tout le système, mais c'est quand même intéressant qu'au moins ils aient écouté les joueurs de la bêta pour améliorer le système. C'est ça. Et j'imagine que vu que c'était une bêta, quand t'arrives à la version officielle, tout le monde est reseté à zéro, là, même si t'es un bon personnage. Peu importe, tu reviens à zéro. J'espère, en tout cas. Il me semble, c'est ce qu'ils font des fois. Ou tout le temps. Je sais pas. J'ose espérer, en tout cas. Exact. Tu rentres dans une game, puis t'es le seul à pas avoir joué. Ouais, c'est ça. C'est un peu plate. C'est quoi, je jouais, tu sais, sur Mario Odyssey. Mm-hmm. Il y a un petit concours de course de char. Je pense que j'étais 14 582e. Et le jeu vient de sortir, ça. Mais ça fait partie de sa popularité. C'est ça. Mais tiens, on va rebondir sur Super Mario Odyssey. Regarde-moi ça. Ben tiens, le lien qui se fait. Tu l'as l'affaire, toi, t'es pas comme moi qui pense que ta chronique est dans une demi-heure puis qu'elle commence dès le début de l'émission. Mais tu parlais que le jeu vient de sortir, ben ça empêche pas les speedrunners de s'y mettre déjà. Faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup joué pour être capable de faire un speedrun. Donc comment est-ce que tu peux avoir autant joué alors que le jeu est sorti, quoi, le 27 octobre? Oui, tout à fait, mais en tout cas, il y en a qui sont capables de le faire. Le record du monde... en date d'aujourd'hui, parce qu'il a été amélioré aujourd'hui, est à 1h22min3s. C'est vraiment, vraiment, vraiment rapide. Pour un jeu aussi exhaustif et rempli de défis... Là. C'est sûr que c'est la catégorie qu'on appelle « Any Person ». Donc, t'as juste à finir le jeu. Le jeu le plus rapidement possible. 1h22 présentement, et on parle que le en bas d'une heure est très possible. Ah ouais. Que ça va venir, ça va être une question de jour. Ben c'est ça, étant donné que le 27 octobre était quand même il y a genre 5 jours à peine pour nous. Là. Mm-hmm. 6 peut-être. Genre? Ça a le temps d'avancer pas mal. Par contre, il n'y a pas encore de temps officiel enregistré pour la catégorie 100%. Ouais. Un des premiers qui l'a fait, Fuzzinet, c'est un joueur qui réside en Angleterre, a parti le jeu, a parti son stream sur Twitch. Il était rendu à 31 heures de jeu consécutives. Aïe, aïe. Sans dormir, sans rien. Sans une pause pipi de temps en temps, j'imagine. Oui, exactement, mais c'est tout. Simplement à découvrir toutes les lunes et tout ça. Mais c'est tellement le fun à découvrir. C'est ça qui est le fun. C'est un jeu vraiment rempli de surprises. Mm-hmm. Je te dirais, à chaque monde, t'as quelque chose que tu fais. Ah, waouh! C'est donc bien une bonne idée d'avoir fait ça. Il y a beaucoup de références au précédent jeu, comme t'as plus le choix de faire dans un jeu récemment. Si tu veux avoir du succès, faut que tu mettes des références. Mm-hmm. Mais en tant que tel, c'est rempli de nouveautés aussi. C'est ça qui est le fun. Mais ça, on en parlait avant l'émission, toi puis moi, parce que toi, tu l'as. Oui, je l'ai depuis le 29-30, avant-hier, je pense. Avant-hier. Tu m'as dit que un des points faibles, peut-être, pour le jeu, c'était sa facilité. Ouais, ben, en tout cas, jusqu'à maintenant, je suis rendu peut-être au 7e ou 8e monde. Là, je suis dans le monde, je viens de finir le monde de neige, pour ceux qui ont peut-être vu le jeu. C'est beaucoup, beaucoup trop facile pour moi, dans le sens que j'ai joué à tous les Mario précédents en 3D et en 2D. On dirait que je sais... comment Nintendo pense. que c'est clair qu'il va y avoir une lune là à trouver. Là. C'est sûr, parce que dans d'autres jeux avant, c'était ça qu'il fallait que tu fasses. T'sais. Frapper dans un sol, rentrer dans un mur que tu vois un petit peu son côté. Mais en même temps, t'as du fun à les trouver. Oui. Puis quand t'es trouves, t'en trouves deux, trois de fil. T'as même des lunes qui en valent trois. Ça monte vite à date. Je suis rendu à, je pense, 125 lunes, mais sur 800. Sur 800, oui. T'sais. Ce qui est bien parce que la durée de vie du jeu est bonne. C'est ça, mais comme je te disais, je me demande si la façon de rendre un jeu plus long est de mettre des lunes à des endroits vraiment évidents. Peut-être que c'est pour te donner un petit boost de confiance. Ah, j'ai une lune de plus! Peut-être. J'imagine. Je sais pas. Peut-être pour les enfants, je sais pas. C'est ça, peut-être pour compenser pour les lunes trop difficiles. Mais quand tu regardes la liste des lunes que tu as récupérées là, dans chaque monde, là, ça peut aller jusqu'à 50, 60 plus lunes. Là. C'est assez ridicule. J'ai hâte de voir ce à quoi elles servent, ces lunes-là, à part... Parce qu'à part faire avancer ton vaisseau en ce moment, ça va pas faire grand-chose. Mais néanmoins, tu apprécies le jeu? J'apprécie le jeu. J'apprécie tout du jeu, je pense. Les contrôles sont parfaits. J'ai rarement tombé... Je suis rarement tombé? En tout cas, j'ai rarement tombé en bas de quelque chose par non-talent. C'est comme dans Mario Galaxy 2, je tombais en bas parce que je trouvais que c'était trop difficile de me rendre, tu sais. Genre, j'avais pas de talent à ça. Là, celui-là, j'ai l'impression que la manette est faite pour moi et que le contrôle est fait pour moi. Ouais, en fait, peut-être pas l'ergonomie de la manette. Pas l'ergonomie de la manette, non. Mais la réactivité des manettes est parfaite. Bon. Mais j'avoue que sa forme de cette manette-là, par défaut de la Switch, je trouve ça vraiment trop angulaire pour moi. Ouais, surtout que t'as des grandes mains, donc... Oui. Ouais. Pourtant, je sais m'en servir. Oh, mesdames! T'as tout compris. Restons du côté de la Switch. Ouais. Parce que justement, l'offre se bonifie enfin. C'est pour des jeux, là. Pour les jeux. Ouais, j'avoue que ça fait un petit peu difficile de trouver des jeux pour la Switch en ce moment. Il n'y en a pas des tonnes. Parce que j'ai acheté la Switch à ses débuts. Ouais. Et je l'ai quelque peu remisé depuis. Ouais. Parce que, à part Mario Kart 8, que j'avais déjà joué sur la version Wii U, une fois que t'as fait Breath of the Wild, ben, c'est sûr que tu peux toujours réexplorer. Il y a le prochain DLC qui va sortir dans les prochaines semaines. Qui est annoncé pour décembre, je crois. Et Sonic Mania qui aussi peut se faire de plusieurs façons, mais les classiques Switch n'étaient pas nombreux pour l'instant. Non. Mais ça c'est chose qui va changer prochainement. Ben, d'ailleurs, il y a Super Mario Odyssey qui vient de sortir, il y a Fire Emblem qui vient de sortir, qui va être un excellent titre. Sinon, il y a beaucoup d'autres titres qui étaient disponibles sur les autres consoles, par exemple Dragon Ball Xenoverse 2, FIFA, des jeux de sport comme ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les Hidden Gems. Oui. Des trésors cachés. Des trésors cachés. D'autres jeux qui sont aussi disponibles sur leur console, mais que je vous conseille que si vous l'avez pas, ben achetez les dons sur Switch, tant qu'il n'y a rien à voir. Ben Shantae Half Genie Hero, un excellent titre. Sinon, qui était sorti depuis le mois d'octobre sur le eShop, mais Action Verge, qui est un jeu Metroidvania qui ressemble beaucoup à Super Metroid. La version Super Nintendo. La version physique va sortir fin novembre. Okay. Et je vous le conseille, c'est un excellent jeu. Sinon, parmi les titres qui vont sortir aussi prochainement, le 7 novembre, Sonic Forces, un autre jeu de Sonic. Ouais, c'est beau. C'est très rapproché, les deux Sonic. Là. Oui, c'est très rapproché. Il aurait pu les distancer un petit peu, non? Oui, mais le Sonic Mania était vraiment plus... 2D classique. Ouais. Tandis que Sonic Forces va mêler le 3D de Sonic Generations, par exemple, avec le 2D classique, mais avec des graphiques 3D. Ah, ok. Intéressant quand même. Intéressant. Puis ça va mêler les deux. Il y a vraiment des tableaux où tu t'en vas en ligne droite, tu vois à peu près rien de ce qui se passe parce que ça va trop vite. Mm-hmm. Puis il y a des tableaux classiques avec des boss comme dans Sonic 2, par exemple. Ben, c'est une bonne idée, mais les sortir les deux quasiment à la suite de l'autre, ça profite au moins du fait que les gens présentement trippent Sonic. Oui, en veulent plus encore. Je pense que c'est une bonne idée quand même. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça semble intéressant. Oui. Parce que la plupart des Sonic 3D qui sont sortis étaient plus ou moins réussis. Generations est peut-être une exception, mais si justement on mêle le 2D au 3D, peut-être que ça va donner quelque chose d'intéressant. Oui, et c'est à la grosse mode de faire ça, le mélange des mélange des genres. Sinon, autre sortie pour la Switch dans deux semaines, en fait. Le 14 novembre, Rocket League va faire son apparition sur Switch, un jeu extrêmement populaire sur les autres consoles, qui va aussi permettre le cross-platforming, donc pouvoir jouer avec les gens sur PS4, Xbox et PC. Et Nintendo a annoncé qu'il était pour avoir des exclusivités, mais comme il y en a pour Xbox avec la voiture qui est de Gears of War, ben, cette fois-ci, il va avoir des voitures Mario, Luigi et Samus. Cool. J'ai bien hâte de voir ça. Mais même si j'ai déjà deux fois le jeu Rocket League sur deux autres consoles, ça, on en parlera pas trop. Sinon, toujours sur la Switch, beaucoup de nouvelles de Switch cette semaine. Dernièrement, il y a eu la mise à jour 4.00. Oui, j'étais pas là avant la 4.0, fait que pour moi, c'est juste la version de base, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Quelques nouvelles fonctions, dont la capture vidéo jusqu'à 30 secondes. Okay. Mais la nouvelle qui retient mon attention... Les manettes de GameCube vont fonctionner sur Switch. Oui, pour ceux qui ont la chance d'avoir l'adaptateur GameCube pour Super Smash Bros. Sur oui. La Wii U. Oui, ils s'en vendaient aussi... Externe. D'autres compagnies. D'autres. Tu voles mes mots. Je vois que t'es cher, que je te les donne. C'est la même générosité. Oui, on confirme que les manettes GameCube fonctionnent sur la Switch branchement USB avec l'adaptateur. Ouais. Sûrement une des meilleures manettes de jeux vidéo que j'ai vues jusqu'à maintenant, la GameCube. Probablement. Vraiment. Autant au niveau ergonomie que pour la... Que la réaction des boutons, la jouabilité, si on veut. Ce qui laisse présager peut-être qu'enfin, on va avoir de la rétro... compatibilité. Ça, on l'attend depuis vraiment longtemps. La Wii U, on pensait qu'elle allait avoir des jeux de GameCube dessus éventuellement. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a eu? Non. Écoute, pas de jeu de GameCube, non. Je ne crois pas. Non, parce que les gâchettes de la GameCube sont analogues. Mm-hmm. Et la Wii U, c'était l'autre numérique, là. Numérique. C'est ça. Fait que c'est on ou off, alors que la GameCube, c'était différents degrés de pression. Donc, la plupart des jeux qui se servaient de ce degré de pression-là ne pouvaient pas être joués sur une console virtuelle de la Wii U. Là, sur la Switch, c'est la même chose. C'est la même chose. Par contre, pour Smash Bros. Sur Wii U, tu pouvais utiliser les manettes de GameCube. Exactement. Donc, ça change pas mal la donne côté rétrocompatibilité de jeux de GameCube. Mm-hmm. Ce serait pas trop demandé de les avoir. Et enfin, parce que on n'a pas tout ce qu'on veut avoir avec les sorties des versions classiques des consoles. Ouais, Il y a quelques rumeurs l'année dernière qui laissaient présager que cet automne, il était pour avoir de nombreuses mises à jour sur la Switch, que c'était pour donner le live payant. Oui. Présentement, ça dit 2018, début 2018. Justement, la rétrocompatibilité faisait partie peut-être des mises à jour possibles en automne. Oui. Un peu une déception de ce côté-là. Oui, je suis d'accord. C'est bizarre. Il parle de console virtuelle avec des ajouts de mode en ligne dedans. Pouvez-vous juste les sortir comme pas de mode en ligne, puis vous le rajouterez plus tard? C'est une des fonctions qui était vraiment intéressante sur la Wii et la Wii U, de pouvoir aller acheter les jeux des consoles des générations précédentes ou de pouvoir simplement insérer le disque de GameCube dans la Wii. Ben oui, c'est ça, pour vrai. Puis même juste la Wii U, j'étais habitué avec la Wii U de pouvoir jouer aux jeux de la Wii. La Wii jouait, la première génération de la Wii jouait les jeux de GameCube. Mm-hmm. Je veux vendre ma Wii U. J'ai pas envie de garder deux consoles de récente génération. Ça me sert à rien de garder la Wii U. Surtout que la manette a l'air de venir des années 90, tellement qu'elle a des grosses bordures. On est passé à autre chose. J'aime pas ça d'être obligé de la garder pour ça. Le seul avantage, je te dirais présentement, par exemple, de la Wii U qu'on n'a pas sur Switch, si on n'a pas d'émulateur ou whatever, c'est qu'on peut jouer à Super Mario Maker, parce que ouais, ça a été officialisé qu'il n'y aurait pas de version Super Mario Maker sur Switch. Ben oui, je comprends que, tu sais, pourquoi ressortir le même jeu sur la nouvelle console? Ben, c'est pas ça qu'ils font avec Super Mario Kart. Oui, mais en version Deluxe. T'aurais voulu un Mario Maker Deluxe? Oui, pourquoi pas? Ben j'avoue que la Wii U a tellement été un si petit succès que les jeux majeurs sur la Wii U devraient peut-être... Et peut-être qu'ils vont sortir sur la Switch, je sais pas, peut-être dans, à un moment donné. Mais j'aurais comme trois jeux que je voudrais sur la Switch pour pouvoir vendre ma Wii U. Ça. C'est ça. C'est à peu près ça pour tout le monde. Hein. Présentement, si j'ai pas de Wii U, mais si jamais je venais à mettre la main sur une Wii U, ce serait uniquement pour Super Mario Maker. Je te comprends totalement. Et 3D World, mon jeu de Mario préféré. Ah, c'est vrai. Mario Odyssey a pas encore battu Mario 3D World dans mon estime. C'est un jeu que j'adore sur la Wii U. Et lui, il mériterait une réédition sur la Switch, facilement. Tu crois? Oui, je crois. Bon, je te fais confiance. Merci beaucoup. Ce qui clôt ma crème. Ah ben, câlisse, ça donne bien. Ah non, mais pour vrai, si je peux te conseiller de jouer à 3D World, procure-toi un Wii U juste pour ça. En tout cas, je sais pas, je veux pas te dire quoi faire, puis je veux pas te dire que tu vas aimer ça, si moi j'aime ça, mais je trouve que c'est un jeu qui est vraiment, vraiment divertissant. Je te crois. Bon, j'arrête d'en parler, je garde ça pour moi. Le seul acheteur de Wii U... En mode ici, apparemment. Pour vrai, j'entends personne qui parle de la Wii U depuis que c'est sorti. C'est vrai que c'est assez silencieux. Ça n'a pas grand fan. La Switch, c'est comme tout le monde en parle. Oui, ouais. Mais je sais pas, ça amenait-tu quelque chose de particulier, la Switch? À part le fait que tu peux jouer on the go. tu sais, mais tu sens, je vois rarement des gens hors de la maison avec leur oui. Switch. Moi non plus, je le ferais probablement jamais. J'aurais l'impression que je vais me faire voler ma Switch de temps et mains. Tandis que je vois des gens avec des 3DS encore à l'extérieur. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui l'ont acheté. Parce qu'elle coûte foutrement cher. C'est ça l'affaire. T'as pas tort. Vraiment, là, je l'ai acheté honnêtement parce qu'elle était usagée avec le Mario Odyssey gratuit dedans. Parce que sinon, c'est juste pas abordable. C'est comme... c'est calibre à... c'est peut-être pas calibre iPhone 10, mais ça vaut... quand tu y penses, la Switch est super chère, mais ça reste juste le tiers du prix du iPhone 10. C'est fou, hein? Les gadgets de nos jours, là, faut que tu te prives de tout le reste de ta vie pour pouvoir te procurer ces gadgets-là, c'est ridicule. Puis le pire, c'est que c'est jamais fini. Non, il y en a tout le temps un autre qui s'en vient. Tu sais, même avec Xbox One, mais là, il y a la Xbox One S. La ouais. PS4, mais là, il y a la PS4 Pro. Pro, ben ouais. C'est... wow. On vit à une époque de... il faut être riche pour avoir... J'ai vu un article récemment qui disait comment bien choisir sa télé 4K pour aller avec sa Xbox One X. Pff, on l'a pas rendu là, hein? Non. Aïe. Bref, merci à Félix Simon. Merci à toi, Mathieu. Toujours très apprécié. On te retrouve aux deux semaines quand je suis pas malade ou en congé ou autre. Ou quand je passe semaine d'examen. Et, c'est ça. Donc, une fois de temps en temps, écoutez l'émission, ça va être soit live, soit une reprise de toi, comme on fait souvent. Quand je suis pas là, aussi bien mettre des meilleurs moments de toi. Ben, tant mieux. Ben, c'est ça. Merci. Comment entendre? Ben oui, c'est le fun. On s'entend jamais à la radio, on fait juste en faire. Je crois que dans mes écouteurs, je sonne pas super. Ouais, ma voix est revenue. Sinon, ben, je m'écoute le vendredi soir la reprise de Matière Noire. Es-tu en train de faire une plug pour Matière Noire les mardis soirs à 21h? Ben, tiens, tant qu'à y être. Rediffusion vendredi soir. Mm-hmm. 22h. 22h, ok. J'étais pas sûr de l'heure, j'ai juste dit vendredi soir. C'est assez pour moi. C'est assez pour moi. Ah, Adam, à la prochaine. À la prochaine. Frédéric Simon. On prend une pause au retour. Télévision. C'est fou! 89. Avec Overland Underground, Mathieu Planchot. Maintenant, c'est Television. Télévision, la chronique où on parle de nouvelles télévisuelles, habituellement depuis les 7 derniers jours, mais ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait d'émission, donc on a beaucoup de choses à récupérer. Par contre, j'ai pris soin d'enlever les nouvelles que vous avez certainement entendues depuis les dernières semaines. Allons-y avec, pour l'instant, le Canada et le Québec même. Cineflix Media qui veut adapter les séries québécoises. C'était lors de la première journée du MIPCOM qui se déroulait du 16 au 19 octobre au Palais des Festivals à Cannes en France, que les producteurs et distributeurs canadiens Cineflix Media a lancé une initiative visant à faciliter l'adaptation du contenu de langue française des producteurs québécois pour le marché anglophone. Dans sa première phase, l'initiative de développement international pour le contenu québécois de Cinéflix investira 750 000 $ canadiens dans un certain nombre de projets, y compris des séries scénarisées et des formats au cours des deux prochaines années. L'initiative se concentrera principalement sur l'adaptation et le développement de séries scénarisées, mais prendra également en compte le contenu factuel, comme les documentaires. Le programme est financé conjointement par le Fonds québécois qui contribue au développement de la production de contenu canadien et est subventionné par Vidéotron, l'entreprise canadienne de câble distribution, même s'ils disent que non, de Québécois Média et par le gouvernement du Québec. L'argent sera remis à la disposition de tous les producteurs québécois avec pour objectif d'exploiter le succès des séries télévisuelles de langue française existantes en offrant des ressources pour accélérer le développement, la production et la distribution de versions en anglais. Ensuite, continuons avec Bell Media. Oui, Bell Media et les chaînes Série Plus et Historia. Bell Media qui a annoncé qu'elle a conclu une entente avec Corus Entertainment pour faire l'acquisition des chaînes spécialisées de langue française Série Plus et Historia. Donc, ils ont hâte d'ici d'amener Série Plus et Historia vers une croissance jamais vue à ce jour, consolidant leur engagement d'investissement et de croissance au Québec, en offrant encore plus de choix à l'auditoire, aux producteurs et aux annonceurs francophones. Bell Media, qui dit faire ses preuves en matière d'investissement en programmation originale de langue française, ayant commandé plus de 530 productions originales à plus de 70 producteurs francophones, représentant près de 2700 heures de nouvelles programmations. Série Plus est la chaîne de fiction la plus populaire au Québec, présentant des séries dramatiques d'ici, y compris les récentes émissions Survie et Mirador, ainsi que les meilleures séries étrangères. Historia, l'une des 10 premières chaînes auprès des 25-54 ans, diffuse une variété de contenus originaux d'ici, qui vont des documentaires aux téléréalités populaires, en passant par des séries dramatiques comme Béliveau. Bell Media, qui exploite actuellement 10 chaînes de télé de langue française au Québec, soit Canal D, Canal V, Cinépop, Investigation, RDS, RDS Info, RDS2, Super Écran, VRAC et Z. La transaction doit être approuvée par le CRTC et le Bureau de la concurrence et sa clôture est prévue pour le milieu de 2018. Allons aux États-Unis avec l'adaptation en série télé du Nom de la Rose. Casting et début de tournage sont évoqués pour l'adaptation en série du Nom de la Rose. Après Les Médici, Maître de Florence, la chaîne italienne Rai souhaite définitivement percer à l'international avec des séries historiques en langue anglaise. Celle-ci proposera prochainement l'adaptation sur le petit écran du Nom de la Rose, le best-seller d'Umberto Eco, déjà adapté en film en 1986 par Jean-Jacques Arnaud. D'après Variety, le tournage des 8 épisodes de la série à 27 millions de dollars de budget commencera à Rome en janvier prochain. Giacomo Battiato de L'Infiltré sera à la réalisation, tandis que Echo, qui est décédé en février 2016, a supervisé le scénario aux côtés de Andrea Porporati et Nigel Williams. Si les différents noms à la production sont susceptibles de bouger, notamment concernant ceux à l'international, ceux du casting principal semblent en revanche arrêtés. Donc, John Turturro de The Night Of devrait incarner Guillaume de Baskerville, le moine franciscain précédemment incarné par Sean Connery, qui va mener l'enquête sur des morts sordides et mystérieuses dans une abbaye de 1327. Il devrait être accompagné de l'acteur Damien Harding dans le rôle de l'apprenti Adso de Melk, porté en 86 par Christian Slater. Rupert Everett de Miss Peregrine devrait incarner l'antagoniste principal, l'inquisiteur Bernard Guy. Donc rendez-vous dans plusieurs mois pour le reste du casting et une date de sortie qu'on imagine tourner autour de fin 2018, début 2019. La CW aux États-Unis développerait une nouvelle série DC sur Tracy 13. Project 13 serait une prochaine série DC de CW centrée sur le personnage de Tracy 13 et son père. Donc évidemment, on a l'air de penser chez CW qu'il n'y a pas assez de DC. Donc la chaîne qui est en train de développer une nouvelle émission dont le nom serait Project 13. Il serait question de suivre le personnage de Tracy 13 apparu pour la première fois dans Superman en 2003 et de son père, le docteur Terrence 13. Le duo, composé d'une figure paternelle sceptique et d'une fille médecin légiste dotée de pouvoirs magiques variés, enquêterait sur des affaires teintées de paranormal et de phénomènes inexpliqués. C'est un drame au format 1 heure qui serait notamment produit par Elizabeth Banks, qu'on connaît pour les Power Rangers, et Deegan Frickling de Bitten, qui s'occuperait également du scénario. Warner Brothers Television serait bien entendu de la partie. Reste désormais à voir si le projet verra le jour et s'il sera ou non intégré à l'Arrowverse, dans lequel on trouve Arrow, The Flash, Supergirl ainsi que Legends of Tomorrow. Ou est-ce que la série va être indépendante, à l'instar de Black Lightning, qui s'en vient à la mi-saison? On rappelle également que Constantine, qui pourrait faire un peu plus de concurrence à Project 13 en matière de paranormal, sera de retour sous la forme d'une série animée sur la plateforme en ligne Seed de The CW. Parlant de la CW, un reboot de Roswell, possiblement. Donc la chaîne travaillerait sur un reboot de la série avec une touche d'immigration ajoutée au mix d'aliens et de romance. Donc, d'après The Hollywood Reporter, la chaîne américaine de CW aurait comme projet de proposer prochainement une nouvelle version de la série Roswell pour produire et écrire le script. Karina McKenzie, productrice de la série The Originals, les vampires originels, aurait été retenue. D'ici de 1999 à 2012 aux États-Unis, l'émission est inspirée des romans Roswell High, mêlant science-fiction et romance. S'intéressait à l'époque à trois extraterrestres après leur arrivée sur Terre dans la fameuse zone de Roswell, désormais camouflée sous la forme d'adolescents, jusqu'à ce que l'un d'entre eux sauve la vie d'une jeune fille qui va changer l'existence de nos héros, désormais menacés par le FBI et le shérif local. Pour le reboot, la chaîne utiliserait vraisemblablement un contexte assez moderne et visiblement inspiré de l'ère Trump. Donc, je cite, « Après être rentré à contre-cœur dans sa ville touristique natale de Roswell au Nouveau-Mexique, la fille d'un immigré sans papier découvre une vérité choquante sur son flirt d'adolescence. » Désormais officier de police, oui. Il s'agit en fait d'un alien qui a su garder secrète ses capacités toute sa vie. Elle protège son secret et les deux se retrouvent et commencent à enquêter sur ses origines. Mais quand une attaque violente démontre l'implication du gouvernement dans la dissimulation d'une plus vaste présence extraterrestre sur Terre, les politiques de la peur et de la haine de l'autre menacent alors de le démasquer et de détruire leur romance renaissante. Voilà. Reste à savoir si le projet va voir le jour et qui seront les acteurs retenus. On verra bien. Ensuite, Magnum pourrait aussi revenir. CBS prépare un reboot en ce moment. La série télévisée Magnum P.I. va revenir d'entre les morts ou pourrait revenir. Les articles comme ça, hollywoodiens disent toujours « va revenir ». C'est pas toujours 100% sûr. On parle de faire un pilote et le réseau pourrait dire non, hein, c'est arrivé plusieurs fois. Bref, pourrait revenir d'entre les morts via un reboot par l'intermédiaire de la chaîne américaine CBS. Les reboots des vieilles séries sont une spécialité des chaînes américaines en ce moment, surtout que ces dernières sont en manque d'idées, nous rappelle BigGeek.fr. Le prochain reboot en date n'est autre que celui de Magnum, le réseau CBS qui veut ressortir le show des années 80 du placard en lui greffant Peter Lankov, qui est le showrunner en ce moment de Hawaii Five-O et de MacGyver. Qui sont aussi deux reboots, bien sûr, comme scénariste de l'épisode pilote avec Eric Guggenheim. CBS a déjà donné son accord pour une série télévisée complète. Néanmoins, le succès de l'épisode pilote devrait valider cette décision de la chaîne américaine qui espère vraiment pouvoir diffuser le reboot de Magnum. Du côté des fans, on est très sceptiques, surtout quand on sait que le reboot de la série MacGyver n'a pas été un succès. La série se focalise sur Thomas Magnum, un ancien combattant de la guerre du Vietnam et lieutenant dans l'Office of Naval Intelligence, qui est désormais responsable de la sécurité du domaine Oahu dans l'archipel d'Hawaï, propriété de l'écrivain Robin Masters. À la suite d'un pari perdu, l'auteur lui laisse sa maison d'amis et sa Ferrari contre la sécurité de sa résidence. Ce dernier, donc le personnage joué par Tom Selleck, doit par ailleurs partager la maison avec le majordome Jonathan Quail Higgins III et ses deux Doberman, Zeus et Apollon. Depuis, Magnum travaille maintenant comme détective privé et fera souvent appel à ses amis Terry et Rick, des anciens de la guerre. Un autre reboot, cette fois-ci de Amazing Stories de Steven Spielberg par Apple et Brian Fuller. Il semblerait donc que Apple, Amblin Television et NBC Universal souhaitent rebooter la série Amazing Stories avec Brian Fuller aux commandes. On parle ici du Wall Street Journal. Les textes avec trop de phrases pour rien dire. On se sera associé avec Amblin Television, qui est la société de production de Steven Spielberg, ainsi que Universal Television, pour produire un reboot de la série Histoire Fantastique. C'est comme ça qu'on la connaît en français. Les trois entités auraient recruté Brian Fuller, qui est très actif depuis Hannibal avec American Gods et Star Trek Discovery en ce moment, pour faire office de showrunner. 10 épisodes auraient été commandés, chacun doté d'un budget de 5 millions de dollars. Évidemment, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Diffusé à partir de 85 sur NBC, Amazing Stories était une série d'anthologie mêlant fantastique, horreur et science-fiction, chapeautée par Steven Spielberg lui-même. Durant ces deux saisons, l'émission a plusieurs fois été récompensée et a accueilli de nombreux acteurs et réalisateurs connus au fil des épisodes. Bien des questions sur ce reboot demeure, casting, implication de Steven Spielberg, date et modalité de diffusion, mais il pourrait en tout cas s'agir d'un projet véritablement porteur pour la firme Apple, d'autant que depuis une certaine Black Mirror, il y a un coup à jouer avec les shows d'anthologie, nous rappelle encore une fois Big Geek. Et puis finalement, on en parlait un petit peu tantôt lorsque j'ai parlé de la CW, Legends of Tomorrow, Constantine sera de retour pour 2 épisodes. À défaut d'avoir eu la chance sur NBC de continuer, hein, l'émission a été annulée après la première saison. Constantine va poursuivre sa vie sur la CW. Après un passage dans un épisode de la saison 4 de Arrow, le personnage DC porté par Matt Ryan sera présent sous 2 formes cette saison. Tantôt, on a parlé du dessin animé sur la plateforme numérique CW Seed au début de 2018. Le chasseur de démons fera une apparition en chair et en os dans la saison 3 de Legends of Tomorrow. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il ne sera pas là dans 2 épisodes d'un même arc narratif. Ce sont les épisodes 9 et 10. de la saison 3 qui vont se situer chronologiquement après son apparition aux côtés d'Oliver Queen. Constantine va revisiter visiblement la saison 4 de Arrow et notamment les événements qui arrivent après son épisode final. L'anti-héros qui recroisera donc probablement la route de Damien Dark, joué par Neil McDonough, mais aussi celle de l'antagoniste principal de la nouvelle saison de Legends of Tomorrow, Malus. Le producteur exécutif Phil Klemmer promet notamment l'épisode 10 effrayant à base de possessions démoniaques, avec un ton qui mélange The Exorcist et One Flew Over the Cuckoo's Nest. L'homme qui décrit Constantine comme étant un chasseur de démons aliénés, aigri, gros fumeur et bisexuel, promet également du sexe, un élément assez peu présent jusqu'à présent dans les séries d'essai de CW, la saison 3, donc sur The CW en ce moment même. HBO annonce une émission de télé basée sur une application iOS. Ça s'appelle Mosaic et ça va y aller avec de la narration en embranchement ainsi que plusieurs fins possibles. Donc il y a HBO qui a annoncé un projet télé par le réalisateur Steven Soderbergh qui s'appelle Mosaic. L'émission sera diffusée en 6 parties au début de 2018. Mais en plus d'avoir une distribution traditionnelle, HBO va lancer une application où les gens vont pouvoir regarder l'émission, prendre des décisions et aider à choisir le déroulement des événements. Donc l'application Mosaic sur iOS sera disponible en téléchargement à partir du mois de novembre. Ça va permettre aux gens de choisir l'embranchement de leur histoire, donc construire leur propre expérience à partir de matériel, bien sûr, écrit et réalisé par Al Solomon ainsi que Soderbergh. En fait, écrit par Al Solomon et réalisé par Soderbergh. Selon HBO, chaque choix va se construire l'un sur l'autre, donc il va y avoir des répercussions d'un scénario à l'autre. Ça va mener à différentes versions de la même scène et différentes fins. Voilà. Donc en janvier 2018, la version linéaire de Mosaic va être diffusée sur HBO et le réseau va permettre aux gens de comparer leur propre version avec la version choisie par Soderbergh lui-même. Dans les deux médiums, l'émission va mettre en vedette Sharon Stone, Garrett Hedlund, Beau Bridges, Paul Rubens et plusieurs autres. L'application iOS, elle, va comprendre des profils de personnages et différents morceaux de contenu comme des découpeurs de journaux, des enregistrements vocaux qui vont approfondir un peu l'histoire de l'émission. Le scénario est secret en ce moment par HBO et Soderbergh, on dit rien. On doit s'attendre quand même à avoir des éléments de meurtre et mystère, nous dit-on. Ensuite de ça, Persona 5 va avoir une adaptation en animé. Oui, le jeu vidéo Persona 5 qui va arriver en 2018 en animé, annoncé sur le compte Twitter officiel du développeur du jeu Atlus. La nouvelle a déjà été relayée par des milliers de fans. L'adaptation sera produite par le studio d'animation A1 Pictures et verra figurer le doubleur Jun Fukuyama, qu'on connaît pour Black Butler, Code Geass et Jurara, parmi les membres de son casting. Pardon, Persona 5 dont se déroule à Tokyo. Le joueur incarne un protagoniste silencieux. Après son transfert au lycée Shujin, au cours de l'année scolaire, lui et d'autres étudiants vont éveiller leur persona, oui, et devenir des justiciers masqués surnommés les voleurs Phantom of Arts. Ils vont alors explorer un royaume surnaturel appelé Palace pour voler la corruption qui réside dans le cœur des adultes. Intéressant. La BBC va utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer sa programmation. Donc, pour qu'une chaîne de télé rencontre le succès, nous dit UberGizmo.com, elle se doit de proposer une programmation suffisamment intéressante. Et bien, justement, pour ce faire, il convient de déterminer, voilà, si tel film ou telle série télé conviendra à un public cible. De nombreux facteurs entrent ici en jeu et la BBC pense que l'intelligence artificielle peut l'y aider. Cette nouvelle initiative annoncée par la BBC Research and Development sera effectuée en collaboration avec 8 universités britanniques. L'intelligence artificielle servira à comprendre ce que veut vraiment le public et pourquoi il veut et quel impact une série ou un film peut avoir sur l'audience. Elle permettra aussi de créer une expérience visuelle plus personnalisée. On dit ici à la BBC qu'on a toujours su combiner créativité et technologie. Nous réinventons actuellement la chaîne, disent-ils. Nous voyons de nouvelles opportunités avec les données et le machine learning. Pour nous, pour les talents créatifs et pour notre public, ce partenariat nous aidera à poser de nouvelles bases et à nous assurer que nous donnons toujours à notre audience le meilleur service de diffusion publique dans le présent comme dans le futur. Un épisode abandonné de Doctor Who d'il y a 40 ans va être complété 40 ans plus tard. Donc en 1979, l'auteur de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams, a été engagé pour écrire un script pour la finale de la 17e saison de Doctor Who, nommé Shada. L'épisode voyait le 4e Docteur, joué par Tom Baker, et sa compagnonne Romana, jouée par Lala Ward, atterrir donc avec leur TARDIS à Cambridge pour aider je connais pas les termes en français, un Time Lord à la retraite, pour empêcher donc un méchant extraterrestre de hacker les secrets d'une planète perdue qui est devenue une prison pour les méchants. Quelque chose comme ça. Bref, le script a été écrit. On a commencé à filmer l'épisode, mais ensuite, il y a eu une grève des gens qui travaillaient à la BBC, donc on a abandonné le tournage. Maintenant, 40 ans ou presque plus tard, après sa date de diffusion prévue, les fans de Doctor Who vont finalement pouvoir voir l'épisode exactement comme Adams l'a écrit, et avec Baker qui va rejouer le rôle du docteur, à ce moment-là. Donc c'est BBC News qui nous raconte que Shada va finalement voir la lumière du jour. On va mixer du tournage d'origine, donc avec des humains, mélangé avec des animations, par des animateurs professionnels au crayon ou peut-être par ordinateur. J'en ai aucune idée, ça a l'air dessiné à la main, mais qu'est-ce que j'en sais. Bref, ça va être recréé en dessin animé et il va y avoir des voix nouvellement enregistrées de la part de Baker et de Ward pour compléter l'épisode. Baker se dit très excité d'enfin pouvoir voir l'épisode et que l'épisode sera enfin au public. Il a dit en fait à BBC News que c'était un de ses épisodes ou une des histoires préférées de Doctor Who pour lui. C'est pas la première fois que le réseau recrée un des vieux épisodes de la série. En novembre 2016, The Power of the Daleks a trouvé une nouvelle vie animée 50 ans après sa première diffusion et plus de 40 ans après que son enregistrement d'origine ait été détruit. À ce point-ci, les épisodes perdus font partie de Doctor Who. On n'a pas le choix, c'est comme ça. La série de science-fiction a commencé à être diffusée en 1963. On pensait pas trop aux archives de cette émission-là. Donc on a réenregistré, on a enregistré par-dessus les cassettes de l'époque pour économiser de l'argent. Les fans espéraient pouvoir rassembler quelques morceaux du catalogue de différents endroits. Il y a plus de 100 épisodes de la série d'origine qui sont perdus à jamais, en tout cas pour l'instant. Et on dit maintenant que Shada n'en fera plus partie. L'épisode va être disponible en téléchargement numérique à partir du 24 novembre. Et ça va sortir sur DVD et sur Blu-ray le 4 décembre. Pardonnez-moi. Ensuite, on va y aller avec un dernier. Hein. On prévoit dépenser 7 milliards de dollars chez Netflix en nouveau contenu et en contenu acquis en 2018. Netflix, bien sûr, garde l'œil sur les émissions les plus populaires et retire les moins populaires. C'est des données, par contre, qui sont très, très secrètes. Même les créateurs de contenu chez Netflix n'ont pas l'accès ou n'ont pas la garantie d'un accès à cette information-là. Mais il y a une organisation qui croit avoir un système pour essayer de trouver le nombre d'auditeurs, de téléspectateurs pour les émissions de Netflix. Et vous pourriez être surpris, en fait, par le titre le plus regardé. Selon The Hollywood Reporter, les statisticiens, est-ce qu'on dit ça? Les gens qui s'occupent de statistiques chez Parrot Analytics ont déclaré que Narcos, le drame de drogués, serait l'émission la plus populaire sur Netflix pour le mois de septembre dernier. Suivi de Stranger Things, de Ozark, Orange is the New Black et l'émission de Marvel, The Defenders. La compagnie regarde ce qu'ils appellent des expressions de demande. Ça mesure l'intérêt sur les réseaux sociaux et sur les réseaux de partage de fichiers, tu sais, illégaux, pour savoir quelles émissions ont le plus de cotes d'écoute, entre guillemets. L'analyse n'est pas limitée à Netflix. Hein, d'autres titres numériques sur d'autres plateformes sont examinés. Entre autres, pour Amazon, The Man in the High Castle est au sommet de la liste. The Tick est en deuxième place. Pour Hulu, l'adaptation de Margaret Atwood de The Handmaid's Tale ainsi que le drame de Stephen King 11-22-63 sont au sommet. Pour une semaine donnée au mois de septembre, le roi par toutes les catégories de plateformes de streaming était bien sûr Game of Thrones. Voilà. C'est tout pour Television. Une autre chronique dans laquelle je vais m'étouffer sans cesse s'en vient, c'est-à-dire merci science. Mais avant ça, on retourne en chiptune pour entendre. En fait, ça, c'est vraiment cool. C'est la trame sonore de Cuphead. C'est Frédéric Simon qui nous en avait parlé dans ses chroniques il y a quelques semaines de ça. Donc, la trame sonore est composée de jazz, de ragtime, de pas mal de surprises. Et ce sont des pièces originales, mais qui sonnent comme des vieilles pièces. Presque 3 heures de jazz, de big band, de ragtime. Chaque chanson jouée par des vrais musiciens, incluant un big band avec 13 personnes, un ensemble de 10 personnes de ragtime, un pianiste solo, un vocaliste et un tap dancer, donc quelqu'un qui fait de la claquette. Et plusieurs surprises, on va entendre 2 pièces au moins de cette trappe sonore-là. Commençons par l'introduction. Pourquoi pas, et ensuite Clip Joint Calamity. On met du blanc chaud sur Sif! We'll be right back. vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'était la trame sonore de Cuphead, donc original soundtrack par Christopher Madigan. On va y entendre Clip Joint Calamity. Avant, c'était l'introduction du jeu. J'adore ça. Ça coûte seulement 10$ sur Bandcamp et je vais acheter ça directement après l'émission. Mais pour l'instant, il faut faire Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister, bien évidemment. Et on commence avec la longévité de votre vie. Oui, si vous calculiez votre espérance de vie. Des chercheurs américains ont mis en ligne un calculateur de l'espérance de vie. À partir d'informations sur votre morphologie, votre mode de vie, vos problèmes de santé, il vous fournit une estimation du nombre d'années en bonne santé qu'il vous reste à vivre. Au cours du 20e siècle, l'espérance de vie s'est beaucoup allongée. D'après l'INED, l'Institut national d'études démographiques, elle a quasiment doublé en France sur cette période. C'est lié à la... à la baisse de la mortalité infantile. En 1915%, en 1915% des enfants mouraient avant un an, contre 5% en 1950 et 0,4% en 2015. On vit de plus en plus longtemps, mais combien de ces années gagnées se déroulent en bonne santé? Car le vieillissement de la population s'accompagne aussi de plus en plus de cas de maladies chroniques dans les populations âgées. Le nombre de patients souffrant de pathologies neurodégénératives est particulièrement important, par exemple. Or, les coûts médicaux, les services de santé dépendent de l'état de santé des individus d'une société, d'où l'intérêt de pouvoir estimer le nombre d'années que les gens vont passer en bonne ou en moins bonne santé. Donc, une équipe de l'Université du Connecticut a donc développé un outil prenant en compte la qualité de vie dans l'espérance de vie. Jirayaj Vadivelu, directeur du Centre de recherche actuarielle Janet et Mark... et Mark L. Goldenson à l'Université du Connecticut décrit cet outil dans un article paru dans The Conversation. Pour créer cette calculatrice, il a fallu prendre en compte les facteurs qui participent à l'espérance de vie. Il y en a sur lesquels on ne peut pas vraiment agir, donc l'âge et le sexe. Ainsi, globalement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais beaucoup de facteurs dépendent des modes de vie. Donc, un outil gratuit a été mis en ligne. C'est sur... sur assemblagerequis.com, le lien est assez long. Si vous voulez le tester, donc il vous faudra traduire votre poids et votre taille. Ensuite, l'alimentation, l'exercice, la quantité de sommeil ont un impact sur le nombre d'années en bonne santé. Ces facteurs ont été inclus dans les questions posées aux utilisateurs. D'autres facteurs sont pris en compte, le niveau d'instruction, le revenu, la perception de son état de santé, la consommation d'alcool, le tabagisme et le fait d'avoir le diabète de type 2. Donc, plus votre niveau d'instruction et vos revenus sont élevés, plus vous avez d'années à vivre en bonne santé, nous dit-on. Le fait d'avoir une perception positive de sa santé est aussi un plus. Mais certains facteurs influencent l'espérance de vie. Influençant l'espérance de vie n'ont pas été pris en compte comme le stress ou les liens sociaux. La calculatrice vous donne le nombre d'années qu'il vous reste à vivre en bonne et en mauvaise santé. Donc l'outil n'a pas encore été validé scientifiquement. Il donne juste une prévision sans tenir compte des accidents de la vie. Ça signale aussi le nombre de mois de vie en bonne santé que vous pourriez gagner en changeant vos habitudes, par exemple en faisant plus d'exercices. Donc, une simulation qui permet de prendre conscience que les choix de vie influencent considérablement l'espérance de vie. Dans son article, Jirayaj Vadivelu prend l'exemple d'un homme de 60 ans en bonne santé qui fait de l'exercice régulièrement avec une alimentation saine, un IMC normal et dort au moins 8 heures par nuit. D'après la calculatrice, il pourrait vivre encore 13 ans de plus en bonne santé qu'un homme qui n'aurait pas une vie aussi saine. Pardon. Parlant de bonne santé, hein? Les patients opérés au milieu de la journée subissent moins de complications selon des chercheurs français. Oui, les chirurgies du cœur ont plus de succès en après-midi. Les patients qui subissent une chirurgie à cœur ouvert ont plus de complications si cette intervention est effectuée le matin plutôt que l'après-midi sur une étude publiée dans The Lancet, une étude qui précise également le rôle de l'horloge biologique du cœur dans ses variations diurnes. On savait déjà que les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux surviennent plus fréquemment tôt le matin qu'en soirée. Certaines études ont aussi suggéré que les infarctus de myocarde seraient plus graves quand ils se produisent le matin. Cette fois, par contre, les chercheurs du Centre hospitalier universitaire de Lille en France ont voulu savoir si une chirurgie cardiaque telle que le remplacement de la valve aortique du cœur entraînait plus de complications s'il était pratiqué le matin plutôt que l'après-midi. Dans le cadre d'une première étude incluant 298 patients qui avaient été opérés le matin et 298 en après-midi, les chercheurs ont remarqué que 500 jours après l'intervention, la fréquence des complications cardiaques telles qu'un infarctus du myocarde ou une insuffisance cardiaque était 50% moins élevée chez les patients ayant subi leur chirurgie en après-midi. La valve aortique est le clapet situé à la sortie du ventricule du cœur qui empêche le sang d'aller dans le mauvais sens. Quand elle s'est calcifiée, on la remplace par une valve prothétique. Pour ce faire, on doit arrêter le cœur et dériver le sang dans une machine de circulation extracorporelle pendant 1 heure à 1 heure et demie, selon la complexité de la chirurgie. Et pendant cette dérivation, le cœur n'est pas perfusé d'une manière optimale. Pour éviter qu'il ne souffre trop, on injecte dans les artères du cœur un mélange de sang et de liquide oxygéné, mais ce ne sont pas des conditions optimales. De plus, quand on établit la circulation sanguine dans le cœur, l'afflux de grandes quantités d'oxygène entraîne la production de radicaux libres qui précipitent certaines cellules en souffrance vers la mort. Et c'est pour ces raisons que ce genre de chirurgie induit inévitablement des dommages au niveau du cœur. Dans un second temps, les chercheurs ont procédé à un essai clinique randomisé, donc au hasard, dans lequel le moment de la chirurgie a été cette fois déterminé de façon aléatoire pour 88 patients. Encore une fois, les 44 patients dont le remplacement de la valve aortique a été effectué en après-midi présentaient un muscle cardiaque moins endommagé que ceux l'ayant subi le matin, ce qui démontrait que de procéder à la chirurgie l'après-midi assurait une certaine protection et une meilleure récupération. Peut-être, est-ce que les médecins sont plus focussés, je sais pas. Dans un troisième temps, les chercheurs ont procédé à une analyse génétique de biopsie de muscles cardiaques prélevés chez 14 patients ayant subi leur chirurgie le matin et 16 patients l'après-midi. Ils ont alors remarqué que l'expression de 287 gènes différait selon le moment de la journée où ils avaient été prélevés. Ces gènes étaient pour la plupart associés au fonctionnement de l'horloge biologique présente dans chacune de nos cellules, y compris dans les cellules cardiaques. Les chercheurs se sont ensuite intéressés à l'un de ces gènes nommé le rêve herbe alpha, dont l'expression est élevée le matin et faible le soir. Lorsqu'on a bloqué le gène réverbe alpha ou administré des molécules qui neutralisent la protéine réverbe alpha que le gène produit, les scientifiques ont observé que le muscle cardiaque des souris récupérait beaucoup mieux d'une intervention mimant la chirurgie et subissait beaucoup moins de dommages. Dans un commentaire publié dans The Lancet, Thomas Bocketon et Michel Ovies de l'hôpital Louis Pradel à Lyon en France considèrent ces résultats si convaincants qu'ils recommandent dès maintenant aux chirurgiens cardiaques d'opérer leurs patients les plus à risque en après-midi. Wow! On reste pas mal dans ce qui est, sanguinaire. Le sang de certaines femmes serait dangereux pour les hommes. Pardon, les hommes qui reçoivent du sang d'une femme ont plus de risques de décès si la donneuse a déjà été enceinte. Et c'est un mystère, la raison, on ne la connaît pas. Après une transfusion sanguine, une cause fréquente de décès est l'édème aigu pulmonaire. Des travaux précédents avaient suggéré que la mortalité des hommes après une transfusion était plus élevée si le sang utilisé provenait d'une femme. Les chercheurs néerlandais ont voulu savoir si le fait qu'une donneuse ait eu une grossesse auparavant pouvait jouer un rôle. Cette étude comprenait 31 118 patients avec un âge moyen de 65 ans qui ont été transfusés avec 59 320 échantillons de sang entre 2005 et 2015. Les donneurs étaient soit des hommes à 88%, soit des femmes qui n'avaient jamais été enceintes à 6%, soit des femmes qui avaient déjà été enceintes à 6%. Les résultats paraissent donc dans la revue Journal of the American Medical Association. Il y a eu 3 939 décès, soit 13% de l'effectif étudié. Les hommes qui recevaient du sang de femmes qui avaient déjà été enceintes étaient ceux qui risquaient le plus de décéder. Le taux de mortalité chez eux était de 101 décès pour 1000 personnes années, oui, contre 80 avec du sang d'un donneur masculin et 78% avec du sang d'une femme qui n'avait jamais été enceinte. Cet effet n'existait pas chez les femmes qui étaient transfusées. L'étude n'explique pas pourquoi le sang des femmes qui ont été enceintes a cet effet. Une hypothèse est que ce soit lié aux changements immunologiques qui ont lieu au cours de la grossesse, une période au cours de laquelle de nouveaux anticorps peuvent se développer. D'autres travaux n'ont pas donné les mêmes résultats, c'est pourquoi la question doit encore être approfondie par des recherches supplémentaires. Un cancer de la gorge a été détecté avec un accessoire pour iPhone. Waouh, hein, il y a quelques années encore, il fallait du matériel très spécialisé et très onéreux pour détecter certaines maladies. C'est encore le cas aujourd'hui en grande majorité, mais la miniaturisation s'invite de plus en plus souvent dans le domaine. Et voici un autre exemple. Le docteur John Martin, directeur médical de la société Butterfly Network, avait une sensation étrange dans sa gorge. Il a décidé d'utiliser le Butterfly IQ, une machine à ultrasons portable fabriquée par la société qui s'utilise avec un smartphone. Donc, je répète, c'est le directeur médical de Butterfly Network qui a utilisé le produit de Butterfly Network, qui s'appelle Butterfly IQ, pour trouver son problème. Donc, tu sais, je veux pas faire mon cynique de dire que, bon, peut-être qu'il était déjà au courant qu'il y en avait un, puis il a comme montré que sur sa machine, ça pouvait le détecter. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose derrière ça, mais bon, ce ne sont que des suppositions. Après avoir appliqué le gel et l'appareil sur sa gorge, l'homme a découvert une masse de 3 cm, synonyme de cancer à cellules squameuses. La détection ayant eu lieu très tôt, une longue opération et une radiothérapie lui ont offert une guérison complète. Le Butterfly IQ qui devrait être commercialisé aux États-Unis à la fin de l'année pour 2 000 $ US. J'ai des petits doutes quand même sur la véracité, ou en tout cas la fiabilité de ce diagnostic-là, étant donné que, premièrement, que c'est un médecin lui-même. Bon, peut-être qu'il a vu quelque chose qui n'aurait pas été découvert par l'application, je sais même pas. Ensuite, anti-vieillissement, des tests cliniques préliminaires sont très encourageants. Deux tests cliniques préliminaires sur l'homme concernant une nouvelle thérapie par cellules souches pour lutter contre le vieillissement ont rencontré un franc succès. Ces résultats suggèrent que ce traitement est non seulement sûr, mais aussi très efficace pour combattre certains facteurs clés du vieillissement. Les cellules souches mésenchymateuses, ou MSC, sont utilisées dans le traitement de plusieurs maladies, du cancer aux problèmes cardiaques. Ce nouveau traitement vise à réduire les effets de la fragilité chez les personnes âgées. Il s'agit du premier traitement du genre à s'approcher d'aussi près de la très convoitée autorisation de la Food and Drugs Administration. Le principe de ce traitement est le suivant. Extraction des MSC sur la moelle épinière d'un donneur humain et injection dans les patients âgés en moyenne de 76 ans. Les phases 1 et 2 des tests cliniques préliminaires ont révélé qu'il n'y avait aucun effet secondaire sur la santé des patients. Les premiers tests, donc 15 patients qui ont reçu une injection de donneur âgés de 20 à 45 ans, a vu tous les participants bénéficier d'une amélioration de leur santé générale. Pour le second test, une étude en double aveugle avec un groupe placebo, aucun effet secondaire est désirable à rapporter et les chercheurs ont noté des améliorations physiques remarquables chez les patients qui ont effectivement reçu le traitement. Un test clinique en phase 2B étendue va bientôt démarrer dans 10 localisations différentes avec 120 patients. Une phase 3 viendra ensuite et si tout se passe bien, ce traitement recevra enfin son autorisation publique. Donc ça reste un dossier à suivre. Une peau artificielle qui change de forme, inspirée par les pieuvres. Oui, oui. Aux États-Unis, une équipe de scientifiques s'est inspirée des capacités de camouflage de la pieuvre pour créer une curieuse peau synthétique élastique, pouvant changer de forme et de texture. De quoi, selon les concepteurs, imaginer des robots capables de se métamorphoser. Les pieuvres sont des animaux fascinants tant par leur intelligence que leur extraordinaire capacité de camouflage, qui leur permettent de changer la couleur et la texture de leur peau pour se fondre dans leur milieu naturel, même au fond d'un bateau. Les scientifiques cherchent depuis longtemps à reproduire à reproduire ce don pour créer une peau synthétique susceptible de se métamorphoser. Donc, un groupe de chercheurs de l'Université Cornell de New York et du laboratoire de biologie marine du Massachusetts a conçu une peau synthétique élastique qui peut changer de forme et de texture. On est encore loin des facultés de la pieuvre, mais la solution techniquement astucieuse pourrait être appliquée à la robotique. Pour élaborer cette peau artificielle capable de se modeler en 3D, l'équipe amenée par le professeur Rob Shepherd a étudié le fonctionnement... Rob Shepherd? Robert Berger, comme on l'appelle en français, a étudié le fonctionnement des papilles dermiques de la pieuvre. Ce groupe musculaire contient des muscles érectiles qui, lorsqu'ils se contractent, provoquent une protubérance à la surface de la peau. C'est ainsi qu'en quelques dixièmes de seconde, une pieuvre peut prendre la forme et la couleur d'un élément du fond marin sur lequel elle se trouve. Pour reproduire ce comportement, le groupe du professeur Shepherd a eu recours à un tissu rigide découpé au laser de manière à former une sorte de toile qui est ensuite plaquée sur une membrane élastomère. Lorsque la structure est gonflée avec de l'air, des formes vont émerger à certains endroits de la surface selon le motif prédécoupé et se combiner pour créer une forme en trois dimensions. Dans un article scientifique paru dans la revue Science, les chercheurs expliquent que la toile rigide peut être taillée pour induire toutes sortes de structures complexes. Ils pensent que cette peau artificielle transformable pourrait un jour servir sur des robots, sans toutefois expliquer quelle serait la finalité, mais c'est pas tout. Selon eux, cette structure pourrait servir à fabriquer des meubles métamorphes ou à créer des interfaces tactiles qui permettraient aux utilisateurs de réalité virtuelle de sentir leur environnement. Mais pour le moment, le professeur Shepherd et son équipe doivent encore surmonter plusieurs obstacles, à commencer par le fait que leur structure ne peut adopter qu'une seule forme à la fois et ne change pas de couleur. Donc la pieuvre n'est pas prête de se faire battre. On parle de sexe maintenant. Le sexe est bien un antidouleur contre la migraine 2 fois sur 3. Wow, si on savait que les endorphines libérées lors d'un orgasme pouvaient atténuer la douleur, peu d'études s'étaient penchées sur l'intérêt du sexe lors des maux de tête. Une recherche vient de montrer que dans 60% des cas, faire l'amour durant une migraine diminuait significativement les symptômes. En revanche, par contre, 1 fois sur 3, ça les empirait. Une étude donc qui pourrait déplaire à celles et ceux qui prennent l'excuse d'un mal de tête pour ne pas avoir de rapport sexuel. On disposait déjà de quelques éléments qui semblaient en attester, mais des scientifiques allemands de l'Université de Münster viennent de mener la plus large étude sur Terre, de ce genre, et démontrent que dans la majorité des cas, faire l'amour durant une migraine permet d'améliorer son état. Des questionnaires ont été envoyés à 1000 personnes souffrant soit de migraines pour 800 d'entre elles, soit d'une affection plus rare, les terriblement douloureuses algies vasculaires de la face. Ça affecte seulement un côté de la tête. C'est 200 personnes dans le test là-dedans. On leur demandait s'ils pratiquaient des rapports sexuels durant leur maux de tête et s'ils ressentaient des effets positifs ou négatifs sur leur douleur. Seuls 400 d'entre eux ont retourné le questionnaire aux expéditeurs, donc sur les 800. Parmi les personnes souffrant de migraines, 34% des participants ont reconnu faire l'amour malgré leur céphalée de tension ou céphalée autre. Pratique intéressante la plupart du cas, car dans 60% des cas, le sexe diminuait, voire faisait disparaître la douleur. En revanche, 33% des sujets n'ont pas vraiment aimé l'expérience, leurs symptômes ayant empiré. Quant aux personnes qui souffrent d'algie, elles sont 31% à poursuivre leurs ébats. Dans ce cas, seuls 37% d'entre elles constatent une amélioration, quand la moitié se plaint de douleurs plus intenses. En réalité, 36% des hommes et 13% des femmes ont même avoué utiliser le sexe comme thérapie contre leur céphalée. Une bonne idée, car si on fait le bilan global, 42,7% des patients déclarent avoir connu une diminution de leurs symptômes d'au moins 50%. Des résultats qui sont aussi élevés que lors de la prise de médicaments contre la douleur. Différentes hypothèses sont avancées dans la revue Cephalalgia pour expliquer l'effet analgésique de l'acte sexuel, notamment celle de la production d'endorphines au moment de l'orgasme. Ces neurotransmetteurs, également appelés endomorphines du fait de la proximité des effets qu'ils procurent avec ceux de la célèbre drogue, sont connus pour le bien-être qu'ils engendrent et leurs propriétés antidouleurs. Steven Evers, l'un des auteurs de l'étude, se demande même si les personnes ayant vu leur état empirer ne sont pas de petits producteurs d'endorphines, mais aucune mesure physiologique n'a été réalisée. Il faudra donc attendre pour suivre l'enquête, pour déterminer précisément le ou les facteurs impliqués dans cette thérapie par le sexe. Malgré tout, si faire l'amour semble avoir des côtés bénéfiques, il s'avère que les personnes souffrant de migraines ne sont pas toujours ouvertes aux rapports durant leur crise. En effet, dans cet état-là, la sensibilité est souvent à fleur de peau et la lumière, le bruit ou le contact risquent d'amplifier la douleur. On comprend mieux pourquoi certains ou certaines s'en servent comme excuse. C'est pas une excuse, c'est une raison. Hein? Si tant est-il qu'il faille en avoir besoin pour refuser d'agir contre sa volonté. Voilà, un article de Futura Science. Ensuite, toujours au sexe, hein? On continue dans le même domaine, ça permet de paraître plus jeune de 12 ans. Pas plus jeune comme avoir l'air d'avoir 12 ans. Avoir une activité sexuelle régulière ne produit pas uniquement du plaisir et du bien-être. Ça contribue également à paraître plus jeune que son âge, selon le neuropsychologue britannique David Weeks, aussi connu sous le nom de David Semen. Trois rapports sexuels par semaine permettent de gagner 7 à 12 ans en apparence. Quels sont les secrets donc pour tout ça? David Weeks, neuropsychologue à l'hôpital d'Edinburgh en Écosse, a mené sa petite enquête. Pour lui, le principal moyen de sembler plus jeune, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Et une deuxième solution, un peu moins efficace mais pas inutile, c'est d'avoir en moyenne 3 rapports sexuels par semaine. Pardonnez-moi. Contrairement aux idées reçues parmi les êtres vivants, le sexe n'est pas uniquement pratiqué dans le but de se reproduire. De nombreux animaux s'octroient des parties de plaisir en dehors des périodes de fécondité. L'homme est quand même des champions en la matière puisque la femme peut se reproduire tous les mois de l'année. L'homme doit rester avec elle pour éviter qu'un rival ne prenne sa place et entretenir des rapports réguliers pour avoir une chance de procréer, oui, les jours favorables. Ce qui se traduit par de nombreux essais infructueux, surtout à l'heure de la contraception. En parallèle, il ne faut pas négliger l'aspect santé et bien-être de la chose, car l'orgasme régulier procure des bénéfices réels pour la survie. La jouissance libère des endorphines, des antidouleurs naturelles. Bien utile contre la migraine, on vient juste d'en parler. À raison de 2 éjaculations par semaine, l'homme diminuerait ses risques de mortalité de moitié, selon une étude galloise de 1997. Pour les femmes, se faire caresser les seins pourrait aussi limiter les risques de cancer du sein, d'après certaines hypothèses. La liste des bienfaits est encore longue. À celle-ci, il faudrait ajouter un élément mis en évidence par l'équipe de David Weeks, faire paraître plus jeune. Devant la British Psychological Society, le neuropsychologue a brièvement exposé les résultats de ses travaux. Ont été recrutés, oui, 3500 participants, hommes et femmes de 20 à 104 ans avec un nombre important de quinquagénaires qui paraissaient moins âgés que leur état civil... Pardon. que leur état civil, oui, ne l'indiquait. Ceux-ci s'installaient dans une salle et étaient interrogés sur de nombreux paramètres de leur vie, aussi bien sur les moments intimes. Derrière une vitre sans teint, celle qu'on voit pas au travers, on voit au travers d'un bar et pas d'autre, se tenait un jury composé de 6 membres, dont... J'imagine vraiment un jury composé de 6 pénis, mais ça, c'est juste moi. Dont la fonction était d'estimer les âges de chacun des participants. Après analyse des entretiens, les auteurs ont remarqué que ceux qui paraissaient les plus jeunes étaient surtout des habitués de l'activité physique. Le deuxième secret pour faire moins que son âge réel était d'avoir 3 rapports sexuels par semaine en moyenne. Ça permet de donner l'impression d'avoir entre 7 et 12 ans de moins. Avoir une plus faible fréquence de rapports sexuels ne procure pas cet avantage, mais au-delà, c'est de la pure gourmandise et on peut gagner d'années de jeunesse supplémentaires. D'autres critères semblent influencer ce paramètre. Avoir des activités sociales avec des gens de sa génération, être marié avec une personne plus jeune ou, pour les femmes, prendre un traitement hormonal substitutif après la ménopause. Pour David Weeks, ses résultats le confortent dans l'idée qu'il est bénéfique de pratiquer le sexe durant toute la période adulte, y compris pour les seniors. Cependant, il reproche à la société de diffuser l'idée qu'il y a un âge où il faudrait s'arrêter. Pour ceux et celles qui ont peur du temps qui passe ou qui trouvent que la peau de l'être de leur cœur se creuse de rides, voilà peut-être ici une motivation pour raviver la flamme qui scintillait il y a encore quelques années. Un autre texte poétique de Futura Science, c'est magnifique. Et on termine toujours dans le domaine du sexe et de tout ce qui est relié à ça. Donc aux États-Unis, le monde du préservatif est en ébullition. De nouveaux modèles sont autorisés à la vente, mais la nouveauté est qu'une gamme de dimensions plus vaste existe, comme il y en a déjà en Europe, avec surtout des tailles plus petites qui sont mieux adaptées. L'excès de longueur semble être une raison de la désaffection de cette protection aux États-Unis et en Amérique du Nord. Donc on admet enfin que les préservatifs sont trop grands aux États-Unis. Les modèles homologués ont une longueur comprise entre 6,7 et 8,3 pouces, c'est 17 et 21 cm, pour une circonférence de 3,9 à 4,5 pouces, donc 9,9 à 11,4 cm. Mais une étude parue en 2014 dans la revue Journal of Sexual Medicine avait démontré que l'exagération des mensurations masculines menée sur 1661 hommes vivants aux États-Unis, elle concluait que la plupart avaient en érection un pénis plus petit que ce standard, avec une moyenne de 14,2 cm pour la longueur et 12,2 cm pour la circonférence. Est-ce que c'est anecdotique? Ben, pas nécessairement, selon des entretiens avec des spécialistes publiés dans le New York Times. Ces dimensions trop généreuses entament le confort quand le matériau tire-bouchonne et engendre de désastreuses frustrations lorsque le modèle plus petit se révèle trop grand. Ce décalage expliquerait en partie pourquoi seulement un tiers des Américains utilisent le préservatif. C'est pourquoi la Food and Drug Administration, la FDA, qui est celle qui choisit les normes en matière d'alimentation et de santé, ainsi que l'ASTM et l'ISO, donc deux organismes certificateurs, sont pressés d'évoluer sur la question. Il s'agit d'accepter de nouvelles tailles, mais aussi de nouvelles méthodes de vérification de la qualité de l'objet conduisant à la certification, ce qui permettrait, affirment les fabricants, d'élargir l'offre, et non seulement en dimension. Une entreprise pionnière profite de cette... Une entreprise profite de cette avancée. C'est Global Protection, qui produit une gamme baptisée My One Perfect Fit, proposant une très large fourchette de longueur et de circonférence. Il suffit de choisir non pas des centimètres, mais un code genre M17 ou Z22, un peu comme les bonnets de brassière. Ces préservatifs sont disponibles en Europe depuis 2011 sous la marque DayFit, car la réglementation est différente en Europe. La gamme initiale proposait 95 dimensions, mais une récente refonte commerciale a réduit le nombre à 56. Les longueurs de 77 à 113 mm disparaissent. Aux États-Unis, le choix annoncé est de 66. La protection y gagnera-t-elle? C'est ce qu'on va savoir un jour. Donc, ça s'appelle My One Perfect Fit. Allez voir leur site internet pour voir les modèles disponibles et à quoi ça sert d'avoir différents modèles. Donc, assemblagerequis.com pour le lien de l'émission d'aujourd'hui et toutes les autres. On retourne en chiptune. On s'en va entendre une pièce de notre ami Amateur LSDJ. Il nous sort tout le temps peut-être une pièce par semaine ou plus. Et c'est toujours vraiment bon. Donc, voici la pièce Phoenix au Mathieu Plante Show. La chanson thème de Megaman, ainsi c'est le générique de fermeture. On parle du dessin animé, diffusé en 1994. Deux saisons, 27 épisodes, basés sur la première série de jeux Megaman. De jeux vidéo, bien sûr, mettant en vedette Megaman, son chien Rush, robot féminin Rome, qui travaille avec le Dr. Light pour combattre le méchant docteur Wily. Wow, Megaman! Toujours Mathieu Plancho, et maintenant c'est le segment geek, c'est Lynx. CELIX, oui, on parle de choses cool, nouvelles et extrêmement intéressantes, comme toujours. C'est un peu le concept derrière tout ça. Et on commence avec Google, qui n'abandonne pas les robots. Ils devront juste être utiles. Après l'échec de sa division dédiée, le géant américain s'appuie désormais sur son laboratoire Labo X pour tenter d'innover en la matière à grand renfort d'intelligence artificielle. La revente de Boston Dynamics à SoftBank au mois de juin dernier pouvait sonner comme un point final à l'aventure robotique de Google, un échec relaté dans un article de Bloomberg rappelant que la firme avait racheté ces dernières années les plus belles pépites du secteur sans rien parvenir à en faire. Pourtant, le même jour, Google réaffirmait des ambitions dans ce domaine par la voix de Hans-Peter Brandmo, un Norvégien ancien de Nokia et en charge actuellement de la robotique au sein du Labo X. Son maître mot semble être pragmatisme adapté à la nouvelle stratégie maison, c'est-à-dire l'intelligence artificielle avant tout, au cœur de tout. Il présente donc dans sa vision un texte sa vision dans un texte publié sur le blog de X. Donc Hans-Peter Brandmo rappelle que développer des robots n'est pas une fin en soi. Encore faut-il qu'ils soient au service de l'homme. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Quels problèmes peuvent-ils résoudre? L'objectif, c'est de trouver les moyens de développer des produits avec des clients bien définis et des applications réelles. Dans cette optique, on peut considérer que Google développe déjà des robots très ambitieux, même si on ne les identifie pas comme tels. C'est le cas de la voiture autonome de la filiale Waymo, du projet de drone de livraison Wing et d'énergie éolienne Macani. C'est un peu l'inverse d'un robot comme Pepper qui a d'abord été conçu pour la recherche et à qui SoftBank Robotics a trouvé ensuite des applications dans le secteur des services puisqu'il est actuellement essentiellement utilisé comme hôte d'accueil dans des magasins, des concessionnaires ou des lieux publics. Alors, on rappelle que Andy Rubin a créé la division robotique de Google baptisée Replicant en 2013. Il présidait au rachat de 9 sociétés, puis s'est en allé au bout d'un an, laissant Replicant en déshérence. En 2015, Google a refondu une partie des startups acquises dans le Labo X et a revendu d'autres. Et depuis, Brandmo a fait le tri dans ce qui restait et pouvait déboucher sur des applications. La démarche repose sur une collaboration étroite avec, avec l'équipe de Google Brain. On pense que seule l'intelligence artificielle et en particulier l'apprentissage automatique est capable de faire évoluer plus rapidement la robotique. L'idée est de faire progresser les robots à partir de leurs propres expériences partagées, de démonstrations humaines, mais aussi de simulations en ligne permettant d'accumuler énormément de données et dont les acquis seraient presque immédiatement transposables dans le monde réel. Ensuite, on parle de peau artificielle qui offre un meilleur sens du toucher à ces robots, justement. Grâce à une nouvelle peau factice combinant trois différents types de perceptions, les robots pourraient gagner en sensibilité. Des scientifiques travaillent depuis une dizaine d'années à la production de nouvelles matières capables d'améliorer le sens du toucher des robots. La dernière innovation dans ce domaine vient d'une équipe rassemblant des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles et de l'Université de Washington. Elle donne aux robots la capacité de sentir simultanément les vibrations, les forces de cisaillement et celles de pression. Jusqu'à ce jour, les peaux factices n'offraient aux robots qui en étaient munis que l'une ou l'autre de ces ressentis, non pas les trois ensemble. Ce nouveau revêtement est en fait un capteur inspiré des aptitudes humaines et qui peut être étiré sur n'importe quelle partie d'un robot ou d'une prothèse pour lui apporter les informations indispensables à la manipulation réussie d'un objet. Il recrée les tensions et compressions qui peuvent s'exercer sur un doigt humain lorsqu'il glisse sur une surface ou expérimente différentes textures. Il mesure ensuite de façon extrêmement précise cette information tactile pour adapter le niveau de pression ou le geste à effectuer. Ainsi, si un robot démantèle une bombe, il doit pouvoir déterminer si sa main glisse le long d'un fil ou si elle tire dessus. Pardon. C'est un pot fabriqué à partir de silicone souple, comme celui qui maintient des lunettes de piscine, encastré dans de minuscules canaux faisant la moitié de la taille d'un cheveu. Ces canaux sont remplis d'un métal liquide conducteur qui, à l'inverse de fil, ne risque pas de craquer lorsqu'on étire le dispositif. Lors de leur test, les chercheurs ont réussi à montrer que ce revêtement était suffisamment robuste et offrait un niveau de précision et de sensibilité permettant des activités aussi variées que l'ouverture d'une porte, la manipulation de téléphone, le port de paquets ou encore le fait de serrer une main humaine sans la broyer. Je vais juste terminer celui-là et retourner en musique, je pense. Si les chercheurs ne détaillent pas les usages qui pourraient découler de cette nouvelle peau, on peut imaginer qu'elle pourrait servir pour les robots chirurgicaux ou encore pour des robots industriels qui gagneraient en délicatesse. On va terminer avec les robots. J'ai un dernier article là-dessus et après ça, on reviendra. Première mondiale. Un enfant opéré grâce à un robot. Ouais, donc c'était en septembre, un robot a guidé des chirurgiens pour poser des vis dans le bassin d'un enfant atteint d'une scoliose grave. Auparavant, l'équipe médicale avait testé le robot lors de simulations sur un mannequin. Donc une double première, selon l'équipe. Les chirurgiens ont préparé pendant un an l'opération au CIMU Santé, centre de formation attaché au CHU. Ils l'ont simulé deux fois intégralement avec un robot sur un mannequin parfaitement semblable au dos du garçon contenant une impression 3D de la colonne vertébrale. Ils ont ensuite opéré l'enfant le 28 septembre pendant 3 heures, assisté d'un robot composé d'un bras, d'un ordinateur et d'une caméra. C'est le système ROSA de la société MedTech. Le chirurgien planifie la chirurgie, le robot porte les instruments et prend en compte les mouvements du patient, ce qui apporte de la précision et de la vision en 3 dimensions. Il s'agissait de poser des vis iliosacrées et des crochets en haut du dos reliés par des tiges cintrées pour redresser le dos. La pose des vis de 7 mm de diamètre dans un couloir osseux de 8 mm à proximité des racines nerveuses reste très très complexe et rare. Elles sont volumineuses au regard de la petite taille des os de l'enfant, précise l'équipe chirurgicale dans un communiqué. À chaque simulation, on améliorait le temps de l'opération. Les incisions sont moins grandes grâce au robot. Il y a moins de douleurs post-opératoires et la possibilité pour le patient de s'asseoir plus rapidement. Donc Louis, dont le dos était courbé à plus de 50% et pour qui les corsets et la rééducation n'étaient plus suffisants, peut désormais s'asseoir et dit mieux respirer. 4 jeunes patients doivent bénéficier de ce nouveau type de chirurgie dans les prochains mois au CHU Amiens Picardie. Voilà, pause musicale, on revient avec un deuxième bloc de CNX, mais pour l'instant on continue, en fait on y va avec une compilation de chiptune. C'est Tiny Barbarian DX, une trame sonore par Jeff Ball. C'est un platformer hack and slash 2D Tiny Barbarian DX. Et maintenant la musique de ces 4 épisodes est dans une grosse compilation qui vient de Materia Collective et le compositeur du jeu qui s'appelle Jeff Ball. Il a aussi travaillé sur Mass Effect 3, Monkey Island 2 Special Edition et plusieurs autres trucs comme ça. Donc on écoute 2 pièces plus tard. Bring Down the House, oui, mais tout de suite voici Maverick du jeu Tiny Barbarian DX. Au Mathieu Plante Show sur C. We'll be right back. the House. Précédé de Maverick. C'est la trame sonore de Tiny Barbarian DX. The Ultimate Chiptune Collection. Compilation, pardon. Par Jeff Ball. Inspiré de Mega Man et Castlevania, entre autres. Maintenant, toujours dans le segment Geek Scenix. Ok, oui, on était rendu à parler de quoi déjà? De Adobe, qui colorise vos vieux clichés noirs et blancs grâce à l'intelligence artificielle. Le géant des outils de création graphique continue à décliner les usages de son intelligence artificielle. Adobe Sensei, c'est son nom. Cette fois, c'est un réseau neuronal qui permet de coloriser des dessins ou photos en noir et blanc de manière réaliste en quelques secondes. Et bien sûr, des photos vieilles comme ça, ça a son charme, mais le problème des fois, c'est qu'on a envie d'avoir des couleurs là-dessus. Hein? C'est fastidieux et c'est souvent un résultat pas super convaincant. Le projet Scribbler d'Adobe, présenté lors de la conférence Adobe Max 2017, pourrait bien bouleverser la donne. Au cœur de ce nouvel outil, on trouve une intelligence artificielle Adobe Sensei, présentée en novembre 2016 et utilisée depuis dans diverses applications. En l'occurrence, Scribbler est capable d'analyser n'importe quel portrait dessiné ou photographie en noir et blanc et pour ensuite lui appliquer des couleurs réalistes. En croire 9to5Mac, qui a eu droit à une démonstration, Adobe a entraîné un réseau neuronal pour lui apprendre à reconnaître les éléments d'un visage et leurs couleurs les plus probables. Ainsi, non seulement Scribbler met en couleur les clichés ou dessins qui lui sont soumis, mais il applique également les bonnes textures et porte les ombres aux bons endroits, le tout en l'espace de quelques secondes. Les utilisateurs peuvent, une fois ce premier résultat proposé, l'amender en glissant, déposant d'autres textures. La technologie ne fonctionne pour l'heure que pour les visages, les portraits. Néanmoins, les documents déjà publiés par les chercheurs d'Adobe laissent entendre que Scribbler pourrait s'attaquer à tous les types de clichés dans les mois à venir. Mieux encore, il pourrait être possible de définir des couleurs, des tonalités que l'intelligence artificielle appliquerait ensuite de manière pertinente et précise. Pour l'instant, Scribbler est de démonstration et n'est ni une application à part entière mise à disposition du grand public, ni même intégrée dans un outil de la Creative Suite d'Adobe. Néanmoins, on voit l'intérêt que pourrait avoir une telle fonctionnalité dans Lightroom ou dans Photoshop. Justement, parlant d'intelligence artificielle, ça pourrait vous rendre bon en maths un jour. Le mathématicien Cédric Villani veut s'appuyer sur le casque HoloLens de Microsoft pour expliquer des concepts scientifiques abstraits au grand public. Donc, le planétarium du 21e siècle, c'est ainsi que le médaillé Fields Cédric Villani aime présenter son ambitieux projet HoloMath. L'idée est d'organiser des ateliers collectifs sur des concepts mathématiques avec un conférencier utilisant la réalité augmentée pour enrichir son parcours. Une petite démonstration qui a eu lieu en avant-première au Palais de la Découverte. Le thème du jour qui était le mouvement brownien. Bref, ils ont pris place chez 01net.com dans un cercle avec 7 autres personnes dans une salle plongée dans l'obscurité. Chacun a enfilé un casque de réalité mixte HoloLens de Microsoft et raccordé à une batterie dans un petit sac à bandoulière et un joystick à placer au creux de sa main sur lequel on pouvait cliquer. Les images multicolores ont aussitôt surgi devant leurs yeux, manipulées par un médiateur, dont la mission était de leur faire comprendre que le mouvement d'une particule immergée dans un fluide est aléatoire, donc un effet esthétique et ludique. La particularité de l'expérience, c'est qu'ils n'utilisaient aucune des commandes gestuelles habituelles d'HoloLens. Ils interagissaient seulement par le biais du stick. Ils ont pu manipuler leurs propres particules dans l'espace en la grossissant ou en la rétrécissant à loisir. Pour assurer la coordination de tous les casques connectés en Wi-Fi, les calculs étaient réalisés directement dans le cloud Azure de Microsoft. Seul regret, dit-il, la séance a été écourtée au bout de quelques minutes, laissant un peu un petit goût d'inachevé. Bref, ils ont pu voir suffisamment de matériel pour être convaincus du potentiel du concept sur un public réfractaire aux mathématiques. Donc voilà, ça a quand même du bon. Une scénographie reste à inventer autour de ça. Cédric Villani tient absolument à utiliser de la réalité augmentée plutôt que de la réalité virtuelle parce qu'elle permet de révéler quelque chose qui était présent et qu'on ne pouvait pas voir tout en étant immergé dans un discours commun. Le rôle du médiateur scientifique en sort ainsi davantage renforcé. Évidemment, la réalité alternative étant celle où on ajoute à ce qu'on voit déjà dans la vraie vie. La réalité virtuelle étant un monde dans lequel tu es en immersion complète sans avoir de traces de ton vrai monde dedans. On revient à l'idée de logiciel. Dans ce cas-ci, tantôt on a parlé de Photoshop, de modification des couleurs. Le logiciel ici qui efface les éléments d'une vidéo. Et c'est encore chez Adobe qui développe en ce moment une solution logicielle provisoirement baptisée Cloak. Ça, c'est comme un genre de manteau qui te rend invisible. Bref, qui permettra, comme dans les logiciels de traitement d'image, d'effacer un objet ou une personne d'une vidéo. Très complexe à mettre en œuvre sur les vidéos classiques, la solution s'avère en revanche particulièrement adaptée pour la vidéo tournée en 360 degrés. L'industrie de la vidéo aura bientôt... pardon. L'industrie de la vidéo aura bientôt un nouvel objet magique à sa disposition, oui. Elle pourra, un peu comme Harry Potter avec sa cape d'invisibilité, faire disparaître après tournage n'importe quel élément dans une scène. C'est la promesse d'Adobe avec son projet Cloak. C'est l'une des technologies que l'éditeur a présentées le 19 octobre dernier lors de sa conférence annuelle Adobe Max. Sur le principe, Cloak décline le célèbre plugin de Photoshop Content Aware Fill, mais à la vidéo. Donc, après avoir appliqué un masque sur l'élément que vous souhaitez faire effacer, le système va combler la zone sélectionnée en interprétant image par image l'arrière-plan. Le résultat est dans une vidéo sur assemblagerequis.com. Ça reste quand même assez impressionnant. On enlève deux personnes d'un désert. C'est vraiment bien fait. L'opération est complexe, mais Adobe explique que la vidéo offre tout de même un avantage par rapport à une image fixe. C'est que la caméra, lorsqu'elle se déplace, multiplie les chances de voir apparaître l'arrière-plan sans ce qu'on veut enlever dessus. Donc, de répliquer avec la plus grande fidélité possible. C'est exactement ce qui se produit lorsque les deux marcheurs dans la vidéo passent à l'image. Sur l'ensemble de la séquence, le décor se dévoile intégralement, permettant sa reconstitution logicielle. Évidemment, il faut que ça bouge derrière. L'opération sera même encore plus simple pour Cloak lorsqu'elle s'appliquera à des vidéos tournées à 360 degrés. Ce sera d'ailleurs pour elle que l'outil développé par Adobe sera le plus utile, voire indispensable. Les images tournées en panoramique complet ont l'inconvénient de révéler l'envers du décor. La suppression à l'image des objets, des équipes ou de la caméra devient pratiquement une obligation que Cloak permettra d'exécuter. Une intelligence artificielle peut déjouer les CAPTCHA. Vous connaissez les CAPTCHA, ces petits codes là, bizarres, difficiles à lire, là, avec des lettres, des chiffres. Là. C'est passé date pas mal comme façon de faire, mais ça existe encore. Un réseau neuronal conçu par des scientifiques est parvenu à résoudre des tests CAPTCHA qui servent à filtrer les requêtes d'accès envoyées par des robots à certains sites. Ces tests, des fois simples pour les humains, sont réputés à être très complexes à résoudre pour des algorithmes automatisés. Bref, le Recursive Cortical Network, le RCN, le réseau neuronal conçu par Vicarious, une entreprise californienne financée par Mark Zuckerberg de Facebook et Jeff Bezos de Amazon, est toutefois parvenu à déjouer la majorité des CAPTCHA qui lui ont été présentés, selon ce qu'on peut lire dans le rapport publié dans la revue Science. Selon les scientifiques, il est généralement admis qu'un test de CAPTCHA est considéré comme inefficace si un algorithme arrive à le résoudre automatiquement dans une proportion de 1%. Les différents tests soumis au RCN ont toutefois été résolus dans une proportion de 57,1% à 66,6% selon les sources desquelles provenaient les CAPTCHA. Dans l'article scientifique, les chercheurs indiquent que leur réseau neuronal démontre une excellente capacité à généraliser et à raisonner en l'absence de données similaires. L'article qui a été évalué par des pairs mentionne également que la période d'apprentissage du réseau neuronal a nécessité 300 fois moins de données pour atteindre une efficacité supérieure à des réseaux neuronaux plus complexes. Il a par exemple suffi de 5 exemples par caractère pour que le RCN parvienne à une efficacité de 66,6% lors de tests CAPTCHA provenant de ReCAPTCHA. En comparaison, les utilisateurs humains obtiennent une note de 87,4% à ces mêmes tests. La thématique de l'intelligence artificielle continue avec Google qui s'entraîne avec YouTube pour identifier les gestes humains. Google a créé une base de données composée de vidéos YouTube pour entraîner une intelligence artificielle à identifier 80 gestes humains, donc se serrer la main, parler, courir, marcher, pour rendre ses services plus efficaces, selon l'entreprise. Grâce à ses services en ligne, Google dispose d'une masse de données enrichies gracieusement par ses utilisateurs dont l'entreprise se sert pour faire avancer ses travaux en intelligence artificielle. Le géant californien a annoncé la création d'une base de données constituée à partir de vidéos YouTube qui servira à entraîner des algorithmes à reconnaître les actions humaines. Nommée AVA pour Atomic Visual Actions, elle contient 57 600 séquences vidéo de 3 secondes montrant une ou plusieurs personnes accomplir des gestes précis. Elles sont accompagnées d'un fichier contenant une description de ces gestes. L'image sur assemblagerequis.com montre les instantanés d'extraits de ces vidéos. C'est ainsi qu'un algorithme pourra apprendre à reconnaître une poignée de main ou un baiser. AVA détaille 80 actions humaines parmi les plus courantes, donc être assis ou debout, courir, téléphoner, s'étreindre, trinquer, se brosser les dents, écrire, danser, fumer. Google n'a pas puisé dans des vidéos amateurs, mais dans des films et des séries avec des acteurs professionnels. Dans l'article scientifique sur Arxiv qui accompagne l'annonce, les experts de Google reconnaissent que ce type de contenu est un peu biaisé du fait de la mise en scène et de la dramatisation de certaines actions, mais ils assurent... Que cet outil est plus complet que ce qui existe dans le domaine, oui. Grâce à cette base de données, Google va pouvoir perfectionner ses méthodes d'analyse prédictive, que ce soit pour mieux cibler à ses publicités ou repérer des contenus à modérer sur YouTube. Mais l'article trace une perspective plus vaste qui est d'enseigner aux machines à comprendre ce que les humains font, ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils cherchent à accomplir. Ensuite de ça, on continue avec, il nous reste vraiment très peu de nouvelles, deux petites nouvelles dans l'émission d'aujourd'hui. Allons-y avec du porn. Hein. On a parlé de beaucoup de sexualité tantôt dans Merci Science. Une intelligence artificielle qui va aider les utilisateurs de Pornhub à trouver leurs actrices et positions préférées. Pourquoi pas? Le site porno déploie une technologie de reconnaissance automatique pour analyser la totalité de son catalogue, soit plus de 5 millions de vidéos. Fini donc les recherches sans fin dans d'interminables catalogues. Les adeptes de Pornhub pourront bientôt profiter de l'intelligence artificielle pour trouver plus facilement l'objet de leur désir. L'entreprise a annoncé qu'elle allait soumettre ses 5 millions de vidéos à ce type de technologie pour pouvoir y identifier plus de 10 000 actrices professionnelles. L'approche utilisée est celle de l'apprentissage automatique. Les algorithmes sont d'abord nourris avec des milliers de vidéos et de photos, puis on les laisse mouliner sur le catalogue à analyser. Les identifications sont ensuite soumises au vote des utilisateurs, histoire d'optimiser le processus. Durant la phase de test qui a duré un mois, Pornhub a pu ainsi scanner avec succès près de 50 000 vidéos. L'idée maintenant est de monter en charge. La société, qui n'a pas révélé qu'elle était le fournisseur de cette technologie, se donne un an pour scanner la totalité de son catalogue. Par ailleurs, la reconnaissance ne se limitera pas au visage des actrices. Pornhub veut taguer un maximum d'éléments, les positions effectuées, les accessoires utilisés, les couleurs des cheveux, le décor, etc. Le modèle va pouvoir déterminer si une vidéo a été tournée en extérieur et va l'ajouter donc à la catégorie publique où il détermine... Pardon. Où il déterminera que la vidéo fait apparaître des blondes et l'ajoutera dans la catégorie blonde. Ce progrès technologique risque néanmoins de faire grincer quelques dents dans le milieu de la porno. Selon Motherboard, les actrices amateurs sont nombreuses à vouloir préserver leur véritable identité, ce qui pourrait être mis à mal par l'usage massif de cette analyse d'image. Du côté de Pornhub, on précise vouloir limiter la reconnaissance faciale aux actrices professionnelles et amateurs. Est-elle si claire? Ouais. Pardon. Ils veulent limiter la reconnaissance faciale aux actrices professionnelles, mais la frontière entre le monde professionnel et le monde amateur est pas si claire que ça. Cette technologie-là de reconnaissance pourrait également tomber entre les mains de sociétés qui n'ont pas le même niveau d'éthique que Pornhub. C'est d'autant plus vrai que les vidéos porno circulent beaucoup et se retrouvent sur beaucoup de plateformes différentes, nous dit 01Net. Et pour terminer, on touche notre... Non, je sais qu'on a parlé de porno, je parle pas de se toucher, je parle de toucher votre smartphone dans votre poche. Ouais. 2617 fois par jour. Une étude qui montre à quel point le smartphone est entré dans notre quotidien, menée par l'entreprise D-Scout, spécialisée dans la création d'applications. Elle a tout simplement demandé à 94 de ses utilisateurs d'accepter qu'elle soit enregistrée toutes leurs interactions. C'est pas beaucoup, hein? Toutes les interactions qu'ils ont avec leur smartphone. D-Scout, oui, a alors développé une application spéciale et les a suivis pendant 5 jours. Et là, on parle de toutes les interactions. On veut dire le moindre clic sur l'écran, ne serait-ce que pour le déverrouiller, a été enregistré et analysé. Grâce aux données enregistrées auprès de 94 utilisateurs volontaires, donc pendant 5 jours, D-Scout a pu extrapoler quelques données intéressantes. Par exemple, en 5 jours, les 94 utilisateurs ont interagi avec leur smartphone 1120 millions de fois, oui, répartis en 33 090 sessions. Ça représente 2617 interactions par jour. Les utilisateurs qui ne peuvent pas vraiment se passer de leur smartphone ont même atteint 5427 interactions en moyenne par jour. Les gros utilisateurs passent 225 minutes réparties en 132 sessions par jour en moyenne sur leur téléphone, soit un peu plus de 4 heures contre 145 minutes réparties en 76 sessions. Pour les utilisateurs moyens, moi j'envoie mon téléphone au garage dans les prochains jours. Je vais probablement passer une semaine et demie, deux semaines sans téléphone. Je sais même pas ce que je vais faire. Je sais pas. On va voir. Voilà, c'est tout pour Célix et c'est tout pour le Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans une peut-être meilleure forme. J'ai dit la même chose la dernière fois. La semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis entre 15h et 17h, diffusion les jeudis à partir de 13h. Sinon, ben Colin, merci à Frédéric Simon. Merci à vous d'avoir écouté. Restez là pour Audiomatique le mercredi. De la part de Félix Simon et de toute l'équipe fictive de Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. C'est le Mathieu Plante, vous avez été planté. On se quitte avec une pièce qui nous provient d'un jeu vidéo. C'est la pièce Prelude. Ça provient de quel jeu, ça? Je vous le dis dans un instant. Ça vous provient de Greedy Guns. Voilà un jeu indépendant. À la semaine prochaine. Bye bye.